J'ai connu l'exil, l'épreuve, le silence. Les murs des cloîtres portaient mes absences. On m'a banni pour aimer l'invisible, mais la lumière guidait l'indocile. Le pinceau tremble, mais le cœur persiste. Même dans l'ombre, le feu d'un artiste. À chaque trait, un cri dans la matière. Un souffle peint pour rompre les frontières. Fais de la souffrance une alliée. Chaque douleur une couleur sacrée. J'ai détaché les formes du visible pour qu'émerge l'esprit. Je suis occupé à mourir. C'est l'inconscient qui m'a pris la main. Un champ muet, un chemin sans fin. Au-delà du cadre et de la norme, j'ai cherché Dieu sous d'autres formes.